吸をしてください。 Don't slip. Participation à une nouvelle culture radiophonique. Attends. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Bonsoir à tous. Salut à tous, salut Alex, salut Fabrice, bienvenue au Beau Bizarre. En ce dimanche 18 décembre, veille des vacances de Noël, une année 2012 très chargée, on a aujourd'hui décidé de vous proposer une petite playlist libre.Qui, je crois, Alex, commence par un groupe qui avait fort bien démarré il y a quelques années. Et oui, il s'agit de Black Dice, quartet new-yorkais, là qu'on va écouter pour le titre Seabird, sur leur second album Beaches and Canyon, sorti en 2003. C'est vrai que c'est un très beau début. À l'époque, c'est un album qui nous avait surpris parce qu'il réutilisait en fait des choses qu'on avait entendues, mais plutôt dans les années, on va dire, les 80, tout début 90. Par moment, on peut penser à des choses comme Soviet France. On peut penser à des musiques psychédéliques, à de l'électroacoustique, un côté très primitif aussi parce qu'il y a beaucoup de percussions. Il y avait vraiment une originalité. Ça pouvait faire penser aussi à des choses comme Christian Fenech, avec vraiment un traitement du bruit digital, on va dire. Ouais. Bon, puis le groupe, c'est un petit peu, on va dire un petit peu perdu, je pense, dans une sorte d'humour pas forcément toujours très juste, je trouve, dans leur musique, quoi. Enfin, oui. Bon. En tout cas, ce Seabird, c'était le premier morceau qu'on a entendu d'eux et ça reste quand même en mémoire. Et d'ailleurs, on va ensuite enchaîner avec. On verra ce que ça sera, Fabrice nous le présentera, mais on verra qu'en tout cas, il y a un lien entre les deux morceaux qui est plutôt à faire du côté de l'électrowack. Thank you. Thank you. co-créateur de DIRCAM avec Pierre Boulez, pionnier de l'informatique musicale, Jean-Claude Rissé, que nous venons d'écouter, a su parfaitement allier ces deux passions, la musique et la science physique, dans la pièce électroacoustique intitulée Mutation, que vous avez pu écouter à l'instant. Qui est devenu un classique, hein. C'est une pièce qui date de 1969, et cette œuvre à la fois ludique, musicale et scientifique est axée sur le timbre, et elle voulait jouer à l'époque sur les paradoxes, les limites de la musique écrite. Alors, il serait nécessaire d'avoir une sorte de mode d'emploi pour pouvoir apprécier cette musique pleinement et de voir toutes les astuces qu'il a déployées dans le morceau, les paradoxes sonores des sons qui montent et qui descendent à la fois, qui sont devenus aussi, eux aussi des classiques. Dans la composition électroacoustique. Et ce mode d'emploi, il existe. Je l'ai trouvé pour vous. Il faut aller sur le site de Fabien Lévy. .net et vous trouverez un document PDF intitulé article Rissé Polychrone. Voilà. Musique savante. Musique savante, mais musique amusante, parce que c'est un peu les montagnes russes pendant 11 minutes. Il y a quand même pas mal de. Oui, il y a un côté ludique aussi. Oui. Il y a un côté ludique. qui est assez prononcé. Bah, les montagnes russes, on va les découvrir aussi. On va les arpenter différemment avec maintenant Gâteau Barbieri et un morceau qui s'intitule Encuentros dans la série Latin America, c'est dans le chapitre 1. On est alors en 1973, Gâteau Barbieri vient de triompher au festival de Montreux. Et sa contribution à la bande-son du film de Bertolucci, Le Dernier Tango à Paris, le rend de plus en plus populaire. Et dans la série des Latin America, il va accentuer la référence à ses racines en s'entourant de musiciens sud-américains. Il va donc produire 4 chapitres pour le label Impulse. Voici Encuentros, le premier morceau du chapitre 1. Thank you. Hello. Hello. Year of 1912, April the 14th day. Great Titanic shall not blame. People that running free, gone moon. Moon, I know. And the people that are running free, the gods who had been watching, they thought they were tied. When they heard the great excitement, many gunshots were fired. Gone moon, moon, on my. And the people that run and pray, Captain Smith gave orders, women and children fight. Man at a life for a letter, man at a life for a crush. Gone moon, on moon, on moon. And the people that run and pray. Live a happy home, all that they process. Lord Jesus, will you hear us now? Help us in our distress. Come on, come on. People that run and pray, women that leave a loved one before the safe test. When they heard things, loved one doomed, hearts that almost break. Come on. On moon, and the people that run and pray. A.G. Smith, mighty man, build a boat that he couldn't understand. Name it a name of God in it in. Middle of the sea, love the boat is in. On moon, and the people that run and pray. Well, hello. Blind Willie Johnson, le titre c'était God. Mais non, que dis-je? Dieu marche sur God, l'eau. Voilà, God moves on the water. Ah, c'était de la musique religieuse. Hein. Oui, musique religieuse. C'était 1929, au milieu de la carrière éclair de Blind Willie Johnson, hein, qui s'est étalé sur 3 ans, hein, de 1927 à 1930. Il s'est ensuite occupé d'une congrégation baptiste à Beaumont, Texas. Voilà, donc un des plus grands peut-être représentants de ce qu'on appelle le Texas Gospel Blues avec Odetta, une chanteuse qu'on passera d'ailleurs certainement un petit peu plus tard dans l'émission. Voilà, chanteur aveugle, le plus souvent accompagné juste par sa guitare, parfois avec quelques petits chœurs gospel. Derrière, et il s'est éteint au tout début des années 40, voilà, de pneumonie. Ah ben c'est gay tout ça. C'est super gay. Et alors on va enchaîner avec quelque chose qui n'a strictement aucun rapport. Est-ce qu'on va aller en Angleterre, à Newcastle upon Tyne? C'est gay aussi. Et c'est super gay, une ville absolument gay, où on va retrouver Robin Storey alias Rapoon, pour le titre Between the Hours, qui est l'évocation d'une rencontre avec peut-être une copine de classe comme ça sur la lande, voilà, qui lui évoque beaucoup de mélancolie. Un morceau plutôt plutôt ambiant, j'allais dire, c'est quand même souvent ambiant Rapoon, mais voilà, très calme, très assez émouvant. Thank you. the day was cold, 8 degrees Celsius, 45 degrees Fahrenheit. There was a light breeze on the east. The sky was blue, only clouds high up, cirrocumulus, cirrostratus. She held my hand. I did not want her to. We walked on the moors. There was nothing else to do. I'll remember the day. 4th January 1958. After this, I never see her again. Babel 17, le morceau Shades of Dreams sur l'album Shades, tout en noirceur, qui était sorti en 1991 sur le label Lively Art. C'était le deuxième album de Babel 17. Le label Infrastition l'a ressorti en 2009 avec 7 titres bonus, dont 4 qui n'étaient jamais parus. Voilà, bah écoutez, on va enchaîner avec, je crois, un autre genre de musique ou c'est... Cold, je pense. Ouais, on va enchaîner avec des choses un peu plus légères, un peu plus fantaisistes, qui nous viennent du Japon, avec un premier morceau de Airstylistics. C'est en fait Masaya Nakahara qui se cache sous ce pseudonyme. C'était aussi le chef et l'unique membre, je crois, de Violent Onsen Geisha, qui est un groupe extraordinaire qu'on passera sûrement un de ces jours. Et voilà, alors, très peu d'informations sur ce Masaya Nakahara qui a surtout des auditeurs au Japon, qui n'a pas encore traversé, sa musique a difficilement traversé la mer de Chine et les océans. Voilà, donc on va écouter bonus track parts, et comme je pense qu'on n'aura pas le temps ensuite de vous annoncer le morceau d'après, je vais vous l'annoncer tout de suite. On va écouter Sam Bennett, qui est un Américain qui vit au Japon, et qui a fait un morceau intitulé Bang Up Debonair Skeleton, qui est paru sur la toujours excellente revue Improvised Music from Japan. C'était dans le numéro de l'année 2004. Voilà, et puis on peut vous dire bonsoir. Bonsoir, et puis surtout rappeler aux auditeurs fidèles que on se retrouve après les fêtes vers le 8 janvier peut-être, je crois à peu près. Hein. Voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Et si vous êtes en manque, vous pouvez retrouver toutes les émissions depuis le début de l'année sur le blog du Beau Bizarre, le beaubizarre.blogspot.com. Salut à tous. Allez, salut à tous, bonne fête. Mm.